de la vie et des activités d'un centre d'accueil, oui. Allez, avant de se quitter, je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas et en priorité, évidemment, au mien. Bonne fête, papa, et bonne journée à toutes et à tous sur Vivacité. Bon dimanche, bienvenue sur Vivacité, il est 9h. Des centaines de supporters gâchent la fête du foot à Marseille. Premier gros raté de l'Euro entre Russes et Anglais. Un supporter se trouve entre la vie et la mort. Trois autres sont en réanimation. Quant au match, l'Angleterre a dû se contenter d'un nul, rattrapé sur le fil à la 92e minute. Moins de jaune et moins de gras dans la maillot à l'avenir. C'est la loi qui l'oblige. Le texte vient d'être publié. Il doit permettre aux producteurs belges de se défendre face aux concurrents étrangers. Ils ont plus de 50 ans et ils deviennent papas. Les vieux papas sont 5 fois plus nombreux que dans les années 80. Rencontre en fin de journal avec Maurice et Claude. Lionel de Neubourg pour vos informations ce dimanche matin. Bonjour, le vieux port de Marseille transformé en champ de bataille. 600 supporters en sont venus aux mains hier après-midi en marge du match entre l'Angleterre et la Russie. Des bagarres particulièrement violentes à coups de chaises et de bouteilles en verre. 4 personnes grièvement blessées, dont un homme de 51 ans, un supporter anglais qui est toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. À Marseille, le reportage d'Olivier Martoc. Quand les supporters anglais et russes sont arrivés sur le Vieux-Port après le match, une mauvaise surprise les attendait. Tous les bars, tous les restaurants avaient tiré le rideau. Plus d'occasion de boire, plus question de faire la fête. Ce jeune anglais comprend. C'est un dommage. En même temps, c'est un peu dangereux, je crois. Vous avez eu peur, vous, aujourd'hui, ou pas du tout? Peut-être pendant 5-10 minutes cet après-midi, mais sauf ça, non. Pour les Marseillais, c'est la gueule de bois. Le premier match de l'Euro dans leur ville a tourné au cauchemar. Il n'y a plus personne, forcément. La fête ce soir, oui, c'est certainement gâché. De toute manière, je ne pense pas que nous, on allait faire la fête. On n'allait peut-être pas y participer, mais pour eux, je pense que ouais, c'est gâché. C'est les Anglais, hein. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'est qu'ils prennent beaucoup d'alcool. Ils se contrôlent pas. Ils se jettent les chaises, les bouteilles. Ils ont eu peur, les gens. Après les bagarres de jeudi, puis celles de vendredi soir, pourquoi la vente d'alcool au détail n'a-t-elle pas été interdite dans le centre-ville? Pourquoi les bars n'ont-ils pas utilisé des gobelets en plastique sur les terrasses? La préfecture, qui par le passé avait pris de telles dispositions les jours de match à haut risque, va devoir s'expliquer. Le reportage à Marseille d'Olivier Martoc, notre confrère de Radio France. Le ministre russe des Sports s'attend à des sanctions, une amende de l'UEFA. Autre bagarre hier dans la soirée à Nice, et cette fois ce sont des supporters irlandais et polonais qui en sont venus aux mains. Les affrontements ont fait 7 blessés légers. Irlande du Nord et Pologne qui se retrouvent cet après-midi. Autre match donc à risque. On reviendra sur le sport en fin de journal. Nouvelles inondations hier soir dans le Brabant flamand du côté de Halle et Le Saint-Pierre. Les pompiers sont intervenus pour des caves sous eau. Même type d'intervention hier près d'Anguien. Les pompiers sont sortis une vingtaine de fois pour des pompages et pour placer des sacs de sable. Ils ont également dû venir en aide à un automobiliste coincé dans sa voiture entouré par les eaux. Quelques interventions également à Bruxelles avec la fermeture de plusieurs tunnels. Quand la politique se mêle de cuisine après les polémiques sur la tartorie cette semaine, voilà du changement dans la composition de l'une des sauces préférées des Belges, la mayonnaise. Un arrêté royal vient d'être publié sur la question et désormais, la recette devra contenir moins de matière grasse, Fabrice Gérard. Moins de matière grasse effectivement pour permettre aux producteurs belges de mayonnaise de la fabriquer à moindre coût. Jusqu'ici, il fallait au minimum 80% d'huile et 7,5% de jaune d'œuf. Dorénavant, ce sera minimum 70% d'huile et 5% de jaune d'œuf. C'est le ministre de l'Économie et des Consommateurs, le CDNV Chris Peters, qui est à l'origine de cette modification de la recette de la mayonnaise. Objectif, mettre fin à la concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs étrangers. Obligés de confectionner des mayonnaises plus grasses, nos producteurs s'estimaient victimes de discrimination. Avec cette nouvelle loi, les voilà désormais à égalité dans la conquête du marché belge de la mayonnaise. Un bémol, il vient de plusieurs associations de consommateurs, associations qui craignent que cette nouvelle recette ne gâche la qualité de l'une des sauces les plus appréciées des consommateurs belges. Les derniers éléments de Fabrice Gérard. Les patrons de Bruxelles critiquent l'action en justice lancée cette semaine par le gouvernement bruxellois contre le fédéral. Une action, je vous le rappelle, pour tenter d'alléger le survol de la capitale. Pour le BESI, la fédération patronale, le moment est particulièrement mal choisi pour partir en guerre contre Brussels Airport. Si nos ministres bruxellois avaient voulu infliger encore plus de dégâts à l'économie et à l'emploi, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Fin de citation. Retour au sport et au match entre l'Angleterre et la Russie. Match sans vainqueur, la Russie a réussi à arracher le nul en toute fin de rencontre à la 92e minute. Un but partout. Les Anglais avaient pourtant marqué les premiers grâce à un joli coup franc direct du défenseur Eric Dier. Pour le buteur anglais, cette défaite a donc un goût amer, mais elle servira pour la suite, dit-il. Je pense que nous pouvons retenir beaucoup de points positifs dans le jeu. Vraiment, je pense que l'on a tout fait parfaitement. Nous avons contrôlé le jeu, nous avons construit de l'arrière, nous avons pressé quand nous le voulions, nous avons gagné les duels, nous avons contré. Je pense qu'il y avait tout, sauf le contrôle à la fin. Et aujourd'hui, trois autres matchs au programme. Un match jugé à risque à 15h entre la Turquie et la Croatie. À 18h, la Pologne qui sera opposée à l'Irlande du Nord. Et à 21h, l'entrée en lice de l'Allemagne face à l'Ukraine. Des matchs à suivre en direct sur la RTBF, en télévision et sur notre site internet. Et nos Diables Rouges, dans tout ça, vous vous posez sans doute la question. Eh bien, ils voyagent aujourd'hui. Ils quittent Bordeaux dans une bonne heure, direction Lyon, où ils découvriront cet après-midi le stade des Lumières, à la veille donc du choc Belgique-Italie. L'essentiel de la préparation est évidemment derrière les deux équipes. Les entraîneurs tentent maintenant de déstabiliser comme ils peuvent leur adversaire. Et à ce jeu-là, Marc Wilmots est plus doué. Il brouille d'ailleurs les pistes en permanence. Écoutez. Ils sont préparés à jouer un 3-5-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1. Et ça, je le saurai une heure et demie avant. Mais lui ne sait pas non plus ce que je vais faire. Donc il peut préparer ce qu'il veut. Je verrai les surprises, mais j'en ai aussi. Voilà, je pense que chaque entraîneur prépare son équipe. On l'a d'abord préparé physiquement, mentalement. C'est la première chose. Après, il y a le jeu, il y a le contexte, il y a la forme du jour aussi. Et là, je vais voir. Marc Wilmots au micro de notre envoyé spécial à Bordeaux. Thierry Luther, en sport moteur et en rallye. Thierry Neuville est en tête en ce moment du rallye de Sardaigne avant les quatre dernières spéciales ce dimanche. Il a 16 secondes d'avance sur le Finlandais Latvala. En Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui s'élancera tout à l'heure en pole position du Grand Prix du Canada sur le coup de 20h. Qu'ont en commun Charlie Chaplin, Yves Montand et Nicolas Sarkozy ? Réponse, leur paternité sur le tard. Ils sont de plus en plus nombreux. Le nombre d'hommes pères après 50 ans a presque doublé en quelques années. Et ils sont même 5 fois plus nombreux que dans les années 80. Françoise Barré en a rencontré deux, Maurice et Claude. 50 ans, époque charnière, changement de vie et de relation. Un enfant arrive. C'est le cas pour Maurice et Claude. On voulait laisser une trace de notre rencontre, une trace durable, et c'était un peu fou, on le reconnaît, mais... Il y a une espèce de rideau qui se met devant vous et qui vous dit, bon, maintenant, c'est fini. C'est fini de déconner, ça arrive, il va falloir se préparer, quoi. Léna, la fille de Maurice, a aujourd'hui 17 ans. Comme les autres parents sont plus jeunes, ils sont plus dans la même génération que le mien. Par exemple, mon téléphone, je dois le rendre à 22h et aller coucher. Moi, j'ai pas envie de l'élever en criant dessus. J'ai envie de lui parler normalement. Et le moment où je crie, c'est quand il se passe vraiment quelque chose. Et là, alors, le cri, il a une valeur. Ses pères, qui approchent la septantaine, sont habités par les mêmes inquiétudes. Ma préoccupation principale, c'est justement de pouvoir la suivre le plus longtemps possible. Maintenant, j'ai 70 ans. Elle n'a que 17 ans. J'aimerais encore bien... L'avoir installé, terminer ses études, c'est mon objectif. Et la plus grande angoisse, c'est de partir trop tôt, quoi. Voilà. Aucun ne regrette ce choix d'avoir eu un enfant après 50 ans. On ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Mon fils aîné, qui en avait 31 à l'époque, venait d'avoir lui-même un fils qui était âgé d'un an. La tantine est un an plus jeune que le neveu. Un reportage de Françoise Barré et de Dominique Burch. N'oubliez donc pas aujourd'hui, bonne fête à tous les papas. RTBF Mobile Info, il y a un accident sur la E40, Jean-Marc Strel. Effectivement, Gand-Bruxelles, au kilomètre 32, c'est à hauteur d'Herpemer où le passage est difficile en direction de Bruxelles, soyez prudents. Et puis, il y a un véhicule en panne sur la petite ceinture de la capitale à la sortie du tunnel botanique sur la bande de gauche. Elle est neutralisée en direction du Midi. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Jean-Marc. Les enfants de cœur, Jean-Jacques Brunin et toute sa petite bande. Merci beaucoup. Le journal vous a été présenté par Lionel de Neubourg. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour et excellent dimanche à toutes et tous. Nous sommes le 12 juin et toute l'équipe vous attend dans l'église de Marcouret, invité par le comité des fêtes et Pierre-Éric Leclerc en particulier. Est-ce que, chers amis dans la salle, vous allez bien? Oui. Vous êtes en pleine forme. Une petite pensée émue quand même pour tous les étudiants qui sont en examen, c'est une période difficile, donc on peut leur souhaiter bon courage. Avant toute chose, je vous présente l'équipe des Enfants de cœur qui est déjà prête pour un été décontracté, farniente avant toute chose. Et par exemple, il a cassé sa tirelire pour s'offrir de belles vacances. Mais au fait, la tirelire d'un musulman a-t-elle la forme d'un cochon? Nous allons le savoir avec Jem Dino. Rebonjour. Il préfère rester chez lui à XL. Il ne sera pas dépaysé par la monnaie et on y parle déjà toutes les langues. Cody! Bonjour Marcouret, vous êtes encore là? Les cartes postales qu'il écrit sont tellement dénuées d'intérêt qu'il préfère les envoyer à des gens qu'il ne connaît pas. Christophe Bourdon! Bonjour Marc Pouret, quel plaisir d'être accueilli avec autant d'insultes. Jean-Jacques, je vous déteste. Son texte de carte postale est déjà prêt. Ici, le ciel est pluvieux et moi, je ne suis plus tout jeune non plus. Dominique Watrin. Merci Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous allons parler football ce dimanche matin, ça vous plaît? Même les dames disent oui, c'est bon signe. Et ça Jean-Jacques, tombe bien. Jean-Jacques, il y a une dame au deuxième rang qui fait non, je vous jure, regardez. Puisque l'Euro a démarré il y a deux jours, notre invité est tombé dans la marmite foot depuis son plus jeune âge. Footballeur lui-même, il s'est brillamment reconverti en journaliste sportif pour BTV et la RTBF, ainsi que des chroniques dans différents magazines. Son cœur est liégeois et sa petite pointe d'accent également, Frédéric Boisage. Bonsoir à tous. Non, bonjour Jean, bonjour. Ah oui, il est 9h15 du matin, Frédéric. Ben, je vis la nuit. Vous êtes rentré tard, je veux très bien comprendre. Et soyez les bienvenus chez moi, dans ma demeure. Vous allez bien? Ah oui, c'est chouette, hein? Dans une église. C'est magnifique, c'est génial. Les enfants de cœur dans l'église. J'adore, j'adore. Alors, Oisège avec un seul S. Mais depuis que je suis né, on écrit deux S dans la presse. Et même nous, les enfants, on a commencé à dire Oisège. Tout le monde se trompe. Mais oui, tous les puristes, comme mon père et comme mon petit frère, disent Oisège. Mais oui, mais nous aussi, vous l'avez remarqué. Mais vous êtes un puriste, mais oui, absolument, tout de suite. Absolument. Oui. Et comment va papa? Ça va, ça va. Il regarde la télé, il fume le cigare. Il regarde l'Euro depuis vendredi. Voilà, pensionné heureux. C'est un brave homme, il mérite bien ça. Belle carrière quand même, hein, que celle de papa. Pas mal, hein. Ah ouais, non, effectivement. Mais... Et puis, on vous connaît comme journaliste sportif. On a peut-être oublié que vous avez été joueur de foot professionnel. Oui, moi, je n'ai pas oublié. Hein. 16 ans, 400 matchs, un bon.

Ça, c'est un autre liégeois, Renaud Rutten. Bien sûr. Qui est venu nous rendre visite il y a 3 semaines à Petit-Thiers-Vielsalm. Il a laissé de sacrés souvenirs avec des blagues qu'on se raconte tous énormément de plaisir. C'est le centre du monde à Liège, hein, tout le monde le sait. C'est ce que vous croyez en tous les cas en tant que liégeois. Oui, mais on est heureux de le croire. Depuis l'église de Marcouré en compagnie de Frédéric Voisège, notre invité. Vous êtes évidemment imprégné par l'euro. Hein, oui, ça a commencé vendredi, oui, vous le savez, hein, je vous apprends rien. Bien sûr, on est dedans, mais depuis longtemps, parce que ça se prépare aussi. Hein, Oui. Quelle impression de ce premier match de l'équipe de France contre la Roumanie? Non, mais... C'est assez dire que ils n'ont pas été mauvais, ils auraient pu être meilleurs, mais ils auraient pu être moins bons surtout. Oui. Mais ce qui compte, c'est de participer. Voilà, exactement. Et puis ils iront certainement en finale. Merci pour ces précisions, mon cher Frédéric. La question mystère de Dominique Watrin. Dominique Watrin, si tu veux. Je ne pas Watrin. Watrin. Alors, une petite question. Par quoi un ouvrier de chantier qui s'appelle Ramon José Rodriguez, mais on s'en fout, a-t-il été tué alors qu'il travaillait sur un chantier à Miami? Il a été électrocuté? Non. Un animal? Non. Percuté par un train? Non. Quelque chose qui a rien à voir avec le chantier? Quelque chose extérieur au chantier? Ouais, c'est ça. Et qui est tombé plus dessus? Plus ou moins. Oui. Du un sandwich? Ciel? Tombé du ciel? De plus haut, oui. Pardon? Un sandwich? Non. Qui est tombé d'un avion? Non. Un météorite? Non. Un animal? Non. D'un bâtiment? Un collègue? Un collègue non plus. Non, pardon. C'est tombé d'un bâtiment? Oui, si tu veux. Il a été écrasé, donc il est mort écrasé. Il a été écrasé, oui. Un oiseau? Non, c'est pas un animal. Un objet? Un avion non plus, c'est un objet, oui. Pamela Anderson? Non. Par un saint de Pamela Anderson? Non plus. Et c'est exceptionnel, c'est tout à fait étonnant. Oui, bien sûr, c'est par tout à fait exceptionnel. Non plus. C'est un avion? Un gros objet? C'est un gros objet. Un drone? Qui a un rapport, je veux dire, éloigné avec le chantier. C'est un échafaudage. Un drone. C'est plutôt dans ce genre-là, mais c'est pas l'échafaudage. Fin du gang. Une façade. La réponse de Dominique. Eh bien, il a été écrasé par la cabine de toilette du chantier. En fait, c'était une cabine sur roulette, une cabine mobile, et elle lui est tombée de l'étage supérieur parce qu'il y a eu une bourrasque de vent qui a repoussé la cabine, et le type a été tué par la cabine de toilette. Écrasé par Cathy, quoi. Et je peux même dire qu'il n'y avait personne, parce que quand elle lui est tombée dessus, il n'y a personne qui a crié occupé, donc il n'y a personne dans la cabine. Et le mec en dessous a crié « Oh merde !» Frédéric, qui a dit « Je suis venu ici comme un roi » et je pars comme une légende. Zlatan. Ouais, exactement. Ouais. Qui a aussi dit, c'est ce qu'on appelle un ego un peu surdimensionné, s'il remplace la tour Eiffel par mon effigie, je reste au PSG. Mais je pense qu'il y a beaucoup de 12e degré chez lui. Vous croyez? Vous croyez à... Je ressens ça, ouais. Déjà, quand tout le monde hurle avec les loups et que tout le monde le massacre, moi j'ai tendance à vouloir défendre les gens. Ouais, mais vous pensez qu'il a vraiment de l'humour? Je pense que oui. Ah et en plus... Il peut se le permettre. Il pourrait se le permettre parce que c'est un grand joueur. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent beaucoup, mais sur le terrain, on ne les voit pas beaucoup. Lui, c'est un énorme joueur. Et vous savez qu'il va sûrement aller à Manchester United. Oui. Et 280 000 euros par mois, à votre avis? Non, par semaine. Par semaine. Oui. Et alors? Comment ça? Et alors? Je demande une augmentation, monsieur. C'est classique. Non, mais il va aller là, il va être sûrement champion dans le 5e pays différent. Donc ce mec, partout où il arrive, l'année où il arrive, il est champion. Donc c'est plus un hasard. Oui, mais il prend des années aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais le talent, je ne suis pas sûr. Admettons, le portrait de notre invité, le plus gros transfert de BTV, en compagnie de Christophe Bourdon. Les enfants de cœur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct de la maternité Frédéric-François de Recours, où nous allons assister dans quelques instants à la naissance de Frédéric Voisège, alors que le médecin accoucheur André Bastien fait en ce moment même son entrée dans la salle d'accouchement, accompagné de ses deux infirmières, Janine Boltings et Raymond de Coussens. Rappelons nos auditeurs qu'André Bastien entretient depuis 5 ans à présent une relation extra-conjugale avec Janine Boltings, qu'il aime prendre sauvagement tous les vendredis soirs sur la table de la salle de repos de la maternité. Un coït assez furtif durant lequel Jeannine Bulting se crie en général « Oh oui, j'ai bon André, j'ai bon » alors qu'André Bastien lui préfère lui dire « Tu le sens mon thermomètre ? Oh oui, tu le sens mon gros thermomètre !» Mais il se murmure dans les couloirs de la maternité qu'André et Jeannine devraient à l'avenir aller à l'hôtel pour faire leur cochonnerie. En effet, leurs ébats sur la table de la salle de repos gênent de plus en plus leurs collègues qui essayent de manger leurs tartines en même temps. Mais voici qu'Aline Wassèche fait son entrée dans la salle d'accouchement accompagnée de son mari Robert Wassèche, qu'on ne présente évidemment plus, et qui signe au passage un autographe à un patient qui vient de se faire amputer d'un membre inférieur. Oh là là là là, mesdames et messieurs, magnifique geste de Robert qui signe sur le papier du malheureux amputé. Ça te fera une belle jambe. Ça y est, le médecin vient de donner le coup d'envoi de l'accouchement alors qu'Aline Wassèche se met à pousser à la demande d'André Bastien. Superbe poussée d'Aline accompagnée de petits soufflements. Le public présent dans la salle d'accouchement admire la technique d'Aline qui semble maîtriser le jeu à la perfection. Mais voici qu'André Bastien siffle un arrêt de jeu. Aline aurait-elle commis une faute dans la surface de contraction? Ah non! Non, André Bastien lui demande tout simplement d'arrêter de pousser pour que Robert ait le temps de prendre une petite photo. Colère d'Aline qui hurle à son mari « Ça te gêne pas que j'accouche, connard !» Et voici que l'infirmier de Raymond de Koumans fait signe à Robert de rejoindre le banc d'accouche. Robert s'exécute, on peut lire sur son visage toute sa déception. Il s'avance la queue entre les jambes. « Robert, tu ferais bien de fermer ta braguette. » Mais revenons à Aline qui pousse de plus belle. « Oh là là, mesdames et messieurs, je vois la tête de Frédéric Wassèche qui apparaît. Il s'avance et il est propulsé de vitesse fulgurante. Mais je vois Robert Wassèche qui plonge pour attraper Frédéric. Magnifique arrêt de Robert qui saisit à plein de balles le bébé. Mais que fait-il? Oh mon Dieu, Robert vient de dribbler avec le bébé. Il shoot dans Frédéric qui se dirige à la fenêtre du 4e étage. Oh là là, André Bastien intercepte Frédéric au vol et il le renvoie faisant une petite bicyclette. Et c'est Aline Wassèche qui récupère le nourrisson hurlant. Mais c'est pas bientôt fini vos conneries, bande de mongols. Mongol. Quel accouchement, mes amis, quel accouchement. Et voici que Robert se dirige vers les journalistes pour leur annoncer avec fierté qu'en ce 11 mai 1965, Frédéric vient de naître. Il leur dit qu'il compte entraîner son fils lorsqu'il jouera au RFC Liège de l'âge de 6 ans jusqu'à ses 26 ans et que Frédéric obtiendra deux fois la troisième place au championnat belge en 85 et 89, puis qu'il remportera aussi la Coupe de la Ligue, le Pro en 86 et la Coupe de Belgique en 90. Durant sa carrière de footballeur professionnel, Fred jouera aussi pour la Gantoise, le AC Bellinzone en Suisse, l'Allemagne de Aix-la-Chapelle en Allemagne et enfin à l'Olympique Charleroi et au KSK Tongres. Mais voici qu'Aline intervient pour ajouter que Frédéric sera ensuite sélectionneur des Sables Rouges, les Sables Rouges d'équipe de Belgique de beach soccer, puis qu'il commentera de nombreux matchs pour BTV, WooFoot, l'RTBF et qu'il sortira un recueil de ses meilleures chroniques intitulé Fred en tour. Mais voici que Robert se jette à nouveau sur le micro pour dire que son fils sera aussi batteur dans le groupe Les Boudins Noirs. Ah là là, sacré Robert, s'il faudrait que je joue dans un jour dans un groupe qui s'appelle Les Boudins Noirs, ça serait quand même la honte, hein. Pourquoi pas avoir un jour un ministre qui s'appelle Jambon. Ainsi se termine l'accouchement de Frédéric Wassèche. À vous les studios. Christophe Baudon. Chronique en image sur rtbf.be/Ovio, petite pause sur Vivacité, chers amis. Et puis nous revenons directement ici à l'église de Marcouret en compagnie de Cody et de James Dino. Les enfants de cœur sont aussi sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions ou vos histoires drôles. Suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournables pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marqueasuivre.be. Marque à suivre. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Allemagne-Ukraine, à suivre en direct ce dimanche soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Salut, c'est Daniel Prévost. Oh, le con. Oh, les enfants de cœur, j'adore. Oh, c'est pareil. Oh. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Imitateur français qui est venu dans l'émission à Bénezet il y a quelques mois. Ben oui, mais Chandemerle. Laurent Chandemerle, exactement. Mon ami, exactement. Daniel Prévost. Oui, oui, tout à fait, absolument. Et notre invité aujourd'hui, ici à Marcouret, c'est Frédéric Oisage. Invité par le comité des fêtes de Marcouret. J'ai quelques chiffres absolument hallucinants. Le score le plus fou en football, un match qui oppose à Madagascar, le Stade Olympique à AS Adema. Le score, à votre avis ? Je le sais, je suis désolé. C'est vrai ? Ouais, c'est 31-0, c'est ça ? Ah non, non, non, non, ça c'est le match international entre l'Australie et Samoa, 31-0. Le match entre le Stade Olympique et AS Adema à Madagascar, 149-0. Mais non ! Si ! Le carton rouge le plus rapide de l'histoire du foot. Ah oui, ça je sais. C'est 3 secondes ? 3 secondes, exactement. Trois secondes. David Pratt, joueur de Chippenham Town, après 3 secondes de match. Donc on a fait le coup d'envoi et il a fauché le gars. Voilà. Pas mal, hein ? Le but le plus rapide en Turquie, Turquie-Corée. Bon. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, ouais, incroyable. Hein. La plus belle bourde d'un arbitre lors d'un match officiel. On ne peut pas tout savoir, Frédéric. La plus belle bourde, je ne sais pas. Il a donné 3 cartes jaunes au même joueur croate, Josip Smunic. Ah ouais. Oui, oui, oui. Et puis, le joueur le plus âgé en Coupe du Monde, un Africain, évidemment. Évidemment, évidemment. Nkono ? Non, le pas gardien. Lui. Non, non, non, non, non. 1994, Robert Mila. Robert. Ah oui, Roger Mila. Roger Mila. Roger, Roger, Roger Mila. Mila. Roger Mila, 42 légende, ans. Une légende. Et à la Coupe du Monde en 94, il a même marqué. Ouais, absolument. Oui, sûr, absolument. Ouais, ouais, ouais. Le talent n'a pas d'âge. Exactement. La semaine, ça vous va, mon cher James Dino ? Eh bien sûr. Eh bien, pour l'encourager, on peut l'applaudir. Ah, merci. La semaine de James Dino. Alors bonjour à tous, d'abord il faut que vous sachiez que tout d'abord comme Christophe Bourdon, parfois dans mon lit le soir je pose des questions bizarres du genre quand Batman, Superman et Spider-Man jouent à cap ou pas cap, est-ce que Spider-Man y perd puisqu'il n'a pas de cap? Si Jésus était mort incinéré, est-ce qu'on mangerait des bûches à Pâques? Autant de questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse, de toute façon, parce qu'on s'en fout. Et puis, parce qu'il y a plus important dans la vie que de se poser des questions. Il y a le sport. La fois dernière, nous avions parlé de l'euro. Je ne sais pas si vous en souvenez. Cette fois-ci, nous parlerons donc de ces défilés de grandes pédales. Et je ne parle pas de la Gay Pride. Je parle des classiques cyclistes. On va parler cyclisme. Je vois que ça vous intéresse. Liège-Bastogne-Liège. Donc, eh bien, je l'ai fait hier, figurez-vous. Je l'ai fait pour avoir des sources convenables. Je l'ai fait hier en 4 heures. On m'a dit, qu'est-ce que t'as pris? Et j'ai dit, le bus. Et de nos jours, les cyclistes sont tellement dopés qu'on donne des hormones de coureurs aux chevaux. Donc là, quand même, il faut faire attention. Mais je trouve qu'il faut essayer de se mettre à leur place. Peut-on faire le Tour de France sans se doper? J'ai testé. Sachant qu'en une étape, on dépense 9000 calories et que faire l'amour, c'est 400 calories, le Tour de France, c'est comme faire l'amour 22 fois par jour pendant 21 jours. J'ai testé. Dimanche 1er juillet, grand départ, ma copine et moi, nous nous pelotons. Deuxième étape, ma copine croit sans doute qu'on imite le foot. Elle simule. Septième étape, à l'arrivée dans les Alpes, nous sommes telles les routes de montagne, enlacées. Ma copine est à bout, j'attaque, je termine l'étape en solitaire. Huitième jour, je réalise alors qu'au Tour de France, on ne grimpe pas chaque fois la même montagne. Alors, ça s'enchaîne. Neuvième étape, quelques amis répondent à l'appel, c'est l'étape reine du Tour. Douzième étape, mourant de soif, je fais l'amour avec quelques gourdes. Quatorzième étape, j'apprécie fortement le contre-la-montre par équipe. Dix-neuvième étape, oui, j'ai la lanterne rouge. 21 juillet, ça y est, enfin j'y arrive, je lève les bras, je suis arrivé sans dopage sur les champs épilés. Ma copine, elle, en est sortie moins convaincue. Dès la semaine prochaine, elle en remettra un. Allez, à la semaine prochaine, bon dimanche. Merci beaucoup, James Dino. La même Bourdon s'est posé des questions, là. T'aurais quand même pu la grimper en danseuse à un moment. Quelques dates de spectacle, mon cher James Dino. Absolument, le 17 et 18 juin, à l'atelier 210. Toutes les infos sur James Dino est drôle. C'est moi qui ai inventé le nom, c'est le nom de ma page Facebook. D'accord, et Cody sera le 18 juin au passage oublié de Florène. Exactement. Le livre de Frédéric Oisage, qu'il nous a amené bien sympathiquement, le best de ses chroniques parues dans Foot Magazine, avec chaque fois des citations de joueurs, par exemple celle-ci. « Je m'épile de temps en temps, les supporters me traitent de grosse tarlouse, mais je m'en fous, c'est signé ?» Cristiano Ronaldo. Alors, oui. Jean-Louis Murat, fabuleux. Zidane a le QI d'une courge. Ouais, lui, c'est terrible. Hein. Lui, c'est le mec qui flingue tous les footballeurs. Ah, oui, ça, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des meilleures chroniques ici? Peut-être celle qui parle le plus de la vie, parce que j'essaye de mélanger aussi bien. Ça parle de foot, bien sûr, mais surtout des hommes, et du quotidien, de la vie. Voilà, parce que le foot, il ne faut pas croire que c'est que de la tactique, c'est surtout une histoire d'hommes. Et donc, je raconte surtout beaucoup mes anecdotes, parce que j'ai pas mal voyagé pour la Ligue des Champions, pour le championnat anglais. Donc, je raconte tout ce qui se passe avant ou après les interviews. Tout ce que les téléspectateurs ne voient pas. Moi, je trouve que la moindre des choses, c'est de leur expliquer comment ça se passe. Et ça se passe parfois très, très cocassement et très bizarrement. Avec un sentiment paradoxal pour quelqu'un aussi très paradoxal comme José Mourinho, que vous avez rencontré. Oui, je l'ai déjà interviewé plein de fois. Son football m'emmerde. Je n'aime pas du tout son football. Un mec qui prépare la guerre dès qu'il joue contre meilleur, moi, c'est pas ma notion du sport. Mais, respect pour son palmarès. Mais moi, quand je m'endors, quand je rêve de foot, je ne pense pas à une feuille blanche avec un palmarès écrit dessus. Je pense à des actions, je pense à un football offensif. Donc voilà. Mais je dois admettre avec plaisir qu'au niveau interview, c'est la grande classe. D'abord, il vous dit bonjour, il vous regarde dans les yeux, il écoute votre question et il répond à votre question. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et un jour, j'ai vécu un truc, c'était à Moscou, c'était CSKA Moscou Inter. Il y avait 6 télévisions étrangères, 6 langues différentes. Et ben, en un quart d'heure, il a répondu en 6 langues différentes aux 6 journalistes. Ah ouais. Donc je dis respect quand même. Ouais. Quoi. Oh, il m'a demandé si t'es dans le bon ordre. Les langues. La question mystère avec l'ami Cody. Qu'est-ce qu'on appelle en Chine un mariage fantôme? Il y a un mort dans l'histoire? Fantôme, un quand il manque décédé. Un des deux conjoints. Un mariage à quelqu'un qui est déjà mort, non? Oui. Exactement. Ben oui. Et ça arrive. Exactement. Ben, la réponse est un peu dans la question, tu sais. La réponse, exactement. Mais en fait, c'est un mariage entre deux personnes décédées. Ah, donc, deux personnes. Oui, décédées. Oui, mais oui, voilà. Donc vous aviez une partie. Chacun la moitié. Attends, comment tu peux épouser deux personnes décédées? Eh bien, posthume, c'est une... mariage posthume. Oui, c'est-à-dire que ça consiste à trouver un conjoint fantôme pour un défunt. Oui. Afin d'enterrer les deux corps côte à côte. Moi, je pense que tu ferais mieux d'aller faire des chaussures avec les Chinois. Mais non, mais c'est parce que ça porte bonheur d'être enterré côte à côte. Ah, ouais. Voilà une explication plausible. Et voilà. Qui choisit le prénom des enfants dans cette... Mais c'est vrai que les squelettes sont souvent côte à côte. Merci beaucoup. Oui. Oui. Merci beaucoup, mon cher Cody. Bravo, Christophe Bourdon. Petite pause sur Vivacité. Et puis nous retrouverons la chronique de Dominique Watrin. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Troc, troc, troc. Qui est là? C'est nous. 3 magasins pour vous servir. Verviers, Chesnay, Amay. Tous nos trésors sont sur troc.com. Troc.com. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mmh. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelife, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le soir et Grand Casino Brussels-Village. Ah, bonjour madame, je vous attendais. Entrez, entrez. Non, merci, ça va. Comment ça, vous voulez pas visiter l'appartement? Ah non, moi je voudrais juste un peu de farine. Hein? Mais je suis votre voisine du premier. Ah ben merci, sympa. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Bien, mais moi j'aime bien la viande quand elle est bien tendre. Eh bien, vous ne trouverez pas plus tendre que notre filet pur de porc, hein, monsieur Marc. Oh, notre filet pur de porc. Une viande comme ça, ça se mange tout seul, petit. Oui, mais franchement, à ce prix-là, ce serait dommage de la manger tout seul. Mais c'est une expression. Oui, je sais, mais quand même, on pourrait la manger à deux. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre excellent filet pur de porc est à seulement 9,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. J'étais chez mon médecin traitant, il me dit: Jean-Michel, je te connais depuis des années, mais c'est pas possible que tu sois comme ça, faut vraiment qu'on trouve. Je suis comme la nature m'a fait. Il me dit: ben, elle a dû te faire en fin de mois. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Depuis l'église de Marcouret, en compagnie de Frédéric Voisage, notre invité. Le monsieur que l'on vient d'entendre, vous le connaissez, hein, Jean-Michel de Bénezet. Oui, oui, c'est ça, Liège. Ben, vous savez, oui, bien sûr, voilà. Non, c'est exactement ça. Et moi, j'aime bien, vous savez, les États-Unis ont Obama et tout ça. Nous, et nous, on a Jean-Michel de Bénezet, d'accord. Bénezet, ouais. Dites petit cadeau pour vous remercier d'être venu. Et vous connaissez ce monsieur également, Jean-Philippe Darcy. Oui, oui. Maître chocolatier à Verviers, voilà, c'est un paquet avec tout ce qu'il fait de mieux, et notamment ces fameux macarons. Eh ben, voilà, je vous le mets de côté, et tout à l'heure... Mais non, donnez-le-moi, j'ai peur que vous repartiez avec. On va avoir confiance, Frédéric. J'ai une question foot. Vous êtes plutôt standard ou Anderlecht? Moi, je suis FC Liège. Comme Pierre Tenis. Il faut que vous sachiez que fin des années 80, on était toujours les trois premiers, le standard était 12-13e, donc j'ai eu la chance de vivre cette période. Oui. Mais je suis très liégeois quand même. Hein. Oui. Mais bon, nous, c'est le FC Liège. J'ai joué 20 ans là-bas. Oui. Donc je suis né à 3 km du stade. Donc voilà, c'est la logique. Ouais, j'ai rencontré. Non, je le disais dans votre portrait. Vous avez été batteur dans un groupe qui s'appelait les Boudins Noirs. Non, en fait, c'est, un jour, Roger, nous, on était des clients fabuleux au FC Liège parce qu'on était des mecs qui ne se prenaient pas la tête. On répétait une fois par semaine, le mercredi matin. Le mercredi, je m'en souviendrai toujours. Et on était mauvais, mais bon. Et puis un jour, Roger Laboureur, qui est un mec qui avait toujours des très bonnes idées, qui, d'ailleurs, on lui rend hommage, hein, c'est mon idole. Je vais venir faire un reportage sur vous. Donc, Rafa Caranta et Moreno Giusto ont appris, on leur a montré comment mettre leurs doigts. Moi, j'étais très bon à la batterie, mais bon, ça, on passe. Et on avait un supporter qui jouait du clavier. Et comme on était un peu quatrième degré, on s'est appelé les Boudins Noirs. Et la preuve que c'est un beau nom, puisque 30 ans plus tard, on en parle toujours. Et Christophe a été batteur d'un groupe également. Le nom s'appelait les Boudins Blancs. Ne parlons pas d'intelligence, c'est l'humour liégeois. Citation d'un tout grand du football, George Best. Ah oui. The Best. Légende. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Incroyable. Fabuleux, quoi. Fabuleux. Fabuleux. Elle est dans mon livre, celle-là. Oui. C'est une de mes préférées. C'est J'ai dit un jour à Paul Gascoigne, grand joueur anglais de foot, que son QI était plus petit que le numéro sur son maillot. Et il m'a répondu: c'est quoi un QI? Elle est magnifique. Hein. Dominique Poitras, chers amis. Les enfants de cœur. Dès que la bonne saison arrive, partout en Belgique, la kermesse annuelle, c'est sacré. Dans mon quartier, c'était la semaine passée, et pour éviter les tentations, j'y suis allé, mais très tard. C'était un mauvais calcul. J'avais à peine reçu mon cachet sur le poignet, quand un air a fait grésiller les baffles du chapiteau. Toutes les femmes sont belles. Pour ceux qui ne connaissent pas, un chapiteau de kermesse, c'est comme un fort de cow-boy dans les films de John Wayne. Toutes les attaques en traître sont possibles. Et après à peine quelques secondes, la mienne est arrivée. C'était ma voisine Fernande, plantée devant moi, qui me hurlait: Dominique, tu ne peux pas me la refuser, celle-là, c'est ma préférée. Et elle m'a entraîné sur la piste de danse en m'agrippant les poignées d'amour qui se sont transformées sur le champ en poignées de terreur. Un slow avec Fernande, c'est comme un combat de judo.

Il lui faut du temps pour la mettre au fond, mais une fois qu'il est parti... Les enfants de cœur. C'était James Dino. Lorsqu'on était à Petite-Hyères aujourd'hui. On embrasse la famille royale. Oui, exactement. Aujourd'hui, depuis l'église de Marcouret. Comment voyez-vous l'euro, puisqu'on est parti jusqu'au 10 juillet, si je ne m'abuse. C'est ça, oui. En finale, vous voyez qui? Le Nigeria contre l'Argentine. Franchement, moi, les pronostics... Compliqués, oui. Et tout le monde, toutes les grosses nations, il n'y en a aucune qui est rassurée, parce que, bon, on se plaint chez nous, évidemment, on n'a pas de défense, mais... Mais j'ai remarqué l'Allemagne, même la France au niveau défensif, il n'y a personne qui est vraiment rassuré. Donc réjouissons-nous que tout soit possible, quoi. C'est quand même l'essence même du sport. J'ai rencontré Daniel Van Buyten il y a quelques temps, et il a dit qu'il était prêt à y retourner, lui. Laissé deux semaines d'entraînement, il y retournait. Bien sûr. C'est parce qu'il sait qu'il ne doit pas y retourner. Oui, c'est ça, oui. Quelques anecdotes. J'ai lu qu'à Kiev, vous avez failli vous faire lyncher. J'allais commenter Dynamo Kiev à Ajax d'Amsterdam et on est parti le jour même, qui est une grave erreur dans les pays de l'Est, parce que même si ça a changé, ça reste quand même compliqué. On était parti avec Mbo Mpenza, qui était mon consultant. Évidemment, on rate la correspondance, je ne sais plus où. Donc on arrive genre 2 heures avant le coup d'envoi à l'aéroport, et là, bon, il y a Old Aéroport, il y a 300 blancs. Et un noir. Et un black. Donc tous les blancs passent facilement, et évidemment, une douanière style de Weaver blond prend un beau et l'emmène dans un local. Moi, pendant ce temps-là, je me dis, j'essaye d'aller choper, de repérer un taximan qui a l'air un peu fou, et j'en vois un, je dis, écoute, voilà autant, mais il faut qu'on soit dans une demi-heure. Il dit, mais non, c'est dans une heure. Je dis, ben oui, mais moi, je vais être là dans une demi-heure. Et le mec, on a été là en une demi-heure, mais je vous dis pas dans quel état. Et je vous assure que c'est vrai qu'Embo a appelé sa femme pour dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose, sache que je vous aime, toi et les enfants et tout ça. Magnifique. Attends, mais on arrive là. Ouais, c'était pour déconner, il a dit ça. Non, mais on arrive là, plus ou moins dans les délais, puis on arrive au bord du terrain. Et puis, la caméra est là, et puis on nous amène les micros, et puis je demande l'oreillette pour entendre Bruxelles, bien sûr, pour faire le duplex avec Bruxelles. Et puis je demande au gars l'oreillette, et je vois vraiment dans le regard du mec qu'il a oublié l'oreillette. Mais il restait 2 minutes, quoi, avant. Et puis le mec, il part en marchant, comme ça, et puis je commence à l'engueuler. Donc, technicien de là-bas, c'est ça? De là-bas, bien sûr. Et je commence à m'énerver. Et puis j'entends un grondement dans le stade, il y avait peut-être 20 000 personnes, c'était à la fois des rires et des insultes, et j'avais pas vu qu'on était filmé, on était sur l'écran géant du stade. Et donc les 20 000 Ukrainiens ont vu que j'insultais des leurs, et on a failli se faire lyncher, quoi. Donc on a fait un grand voyage, et le pire de tout, c'est qu'on va s'asseoir pour commenter le match. Il y a eu 12 coupures, et la dernière demi-heure, on en a complètement été coupé de Bruxelles, donc c'est beaucoup pour pas grand-chose. Ah ben c'est ça aussi, le sport. Hein, bien sûr. Il y a des belles surprises et il y a parfois des gros couacs. Ouais. Nous serons après les vacances, nous serons le 30 août à Aide, au Petit Théâtre, entre nous, avec Elliot Génico de la Comédie Française et le leader de Charcot, David Bartholomé. Les réservations au 0479 04 33 31. Sachez que toutes les dates des prochains enregistrements jusqu'à la fin de l'année sont reprises sur la page des Enfants de Cœur. Vous tapez Vivacité et les Enfants de Cœur, prochains enregistrements, et tout apparaîtra. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure des blagues de merde. Et pour les aider et les soutenir, nous accueillons tout d'abord Anne. Bonjour, ma chère Anne. Bonjour, Anne. Bonjour. Vous êtes intéressée par le foot, vous? Oui, j'aime bien le football, oui. D'accord, donc vous suivez tous les matchs de l'Euro? Ben, j'essaye. Oui, oui. J'essaye. D'accord. Vous avez un favori? Ben, la Belgique. Ben oui, on espère, oui. Hein, on espère tous, évidemment. Bon, Anne, regardez surtout le public et les caméras. Oui. C'est l'heure de votre blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Donc, c'est plutôt une devinette. Que fait un Américain avant de mettre sa chaussure? Bon, bon, bon, bon, bon. Dans le public, ils savent. Hein. Il cherche ses pieds. Non. Il masse sa chaussette. Oh oui! Oh oui, oui, oui! On avait très bien. De merde, oui. J'avais promis que ce serait en dessous de la ceinture et c'était et très bien. Les bières pour vous, l'ambré, la brune ainsi que le vert pour vous récompenser d'être venu nous raconter cette blague de merde. Et vous cédez le micro à Eric qui nous rejoint. Allez Eric, au pas de course. Non. Il a dit non. C'est pas un sportif du tout. C'est plus un sportif. D'accord. Et là, le foot, c'est... Ah oui, ben, les Belges vont gagner. Hein. Pas de doute là-dessus. Non, non. D'accord. Vous avez fait quoi comme sport? Parce qu'il a quand même, on dirait qu'il a un bel avant-bras, un sport de combat. Football, sauvetage, triathlon. Ça va, mais me le dis pas comme ça, j'ai l'impression. Ça ne m'impressionne pas. Mais il est vexé, quoi. Allons, Eric, c'est parti. C'est blague parti. De merde. Oui. La vague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. Alors pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Parce qu'il l'a crucifié. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Elle met du temps à arriver, mais regardez, les gens commencent à sourire. Ah oui, oui, les oui, gens oui, comprennent, oui, les gens oh, se marrent. Eric, ne le prends pas mal, mais ta blague ne vaut pas un clou. Et il a mérité ses deux bières. Merci beaucoup. Excellent Merci. Dimanche à vous, mon cher Eric. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Enfant de cœur sur Vivacité. Oh mon Dieu. Dans quelques instants sur Vivacité, l'heure des informations du journal de 10h, nous retrouverons Cody. Oui. Elle parlera de quoi votre chronique? Le C4. Le C4. Oui, d'accord. Pas l'explosif. Le... Oui, non, non. Le petit papier. D'accord, très bien. Nous retrouverons également le feuilleton de Christophe Bourdon, les baraquis qui, évidemment, en ce 12 juin, sont à l'euro. Excusez-moi, mais je peux savoir ce que vous faites là? Eh ben, ça se voit, non? On vient regarder le match avec toi. Mais ça va pas, non? Ben quoi? On a vu le prix des places et on s'est dit que toi, tu payes rien dans ta cabine. Du coup, on vient ici voir le match gratos. Pas bête, hein? Et puis, bien sûr, le célèbre, l'incomparable, l'inoubliable Jean-Michel de Bénezet. Là. À qui je vais quand même poser la question qui s'impose en cette période de l'année. Oui. Est-ce que Jean-Michel rempile pour une 7e saison avec les enfants de cœur? À Marc Auré, oui, hein. Non, non, mais... Ah oui. Le public se pose la question. La question. Ouais. Ah ben, c'est il rempile. Ouais. Il rempile. Oui, oui, oui, oui, oui. Non, c'est parce que... Je sais bien que votre invité à troisième degré est assez bien développé. Vous savez, pour un père qui habite Liège, avoir un fils qui s'appelle Frédéric, il vaut mieux s'appeler Oisège... que d'Ardennes. On va mieux. Non, sinon, faut quand même que j'aille dans le quota de ma saison un gros mot. Hein. Et alors, non, c'est parce qu'il y en avait... Tu viens de le dire, t'as dit d'Ardennes. Ah, je croyais que t'allais dire Oisège. Ah non. Mais non, c'est parce qu'à l'amical chez nous, on va sur Google, il y en a un, il est grossier. Je lui dis une fois, tiens, c'est bizarre la langue française. Je dis, on dit une chemise, c'est pour un homme. On dit un chemisier, c'est pour une femme. Il me dit, c'est normal. Hein, on dit un soutien-gorge, c'est pour une femme. Et une bite, c'est pour un homme. Hein. Enfin. Voilà. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, l'émission de trop. C'est fait. Je vais prendre ma tisane et j'arrive. Devant les enfants. Mais pourquoi? Jean Pablo. Jean-Jacques, vous êtes sûr que c'est une bonne idée qui rempile dans la saison prochaine? On va quand même se concerter. Bon, les amis, les infos de 10h dans quelques instants, et puis la suite jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe des enfants de cœur depuis l'église de Marc Auré. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Ce matin, ce sont les nuages qui, une fois de plus, dominent le ciel, ne laissant que peu de place aux éclaircies. Des averses se déclenchent par endroits et les températures ont du mal à dépasser 17 degrés. Cet après-midi, le ciel reste très nuageux, avec toujours des averses et des orages au sud du Sillon sans Brumeuse. Le temps sera plus sec à la côte. Nous avons perdu quelques degrés ce week-end, avec des températures comprises entre 17 et 19 degrés sur la partie est et 18 à 21 degrés dans le centre et au littoral. Ce soir et cette nuit, le risque d'averses reste présent sous un ciel toujours très nuageux. En fin de nuit, le brouillard se formera par endroits et notamment dans le sud. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité et la 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie,

bah, les Lyonnais vont pas être contents parce qu'il va y avoir plein de Belges qui vont venir leur piquer leurs chaises en terrasse. Pas d'accord, les patrons bruxellois de la Fédération patronale bruxelloise, le BSI. Ils critiquent l'action en justice du gouvernement bruxellois contre l'État fédéral. Et c'est dans le dossier du survol de Bruxelles. Pour les patrons, ce n'est pas le moment de partir en guerre contre l'aéroport de Bruxelles. Justine Hermans, vous nous rappelez ce qui a poussé le gouvernement bruxellois à s'en prendre au fédéral ? Le gouvernement bruxellois conteste en fait trois aspects du survol de la capitale. D'abord, les vols d'avions au-dessus de Bruxelles entre 6h et 7h du matin. 80% des infractions se déroulent pendant cette tranche horaire, selon les services de la ministre bruxelloise de l'Environnement, la CDH Céline Frémaux. Ensuite, il y a le survol des communes situées de part et d'autre du canal, sur la route du canal. Le bruit est trop élevé dans cette partie de la capitale. Un avion sur deux est en infraction de l'arrêté de bruit de la région. Enfin, le gouvernement bruxellois pointe aussi le survol de l'est de Bruxelles, ce qu'on appelle le virage gauche. Mais pour les patrons bruxellois, l'action en justice du gouvernement bruxellois est surprenante. Ils estiment que si nos ministres avaient voulu infliger encore plus de dégâts à l'économie et à l'emploi dans la région et dans la vaste zone métropolitaine, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Merci pour ces précisions, Justine Hermans. Ce matin, au saut du lit, la plupart des enfants ont assailli leur papa. Pour la fête des pères, les cadeaux bricolés sont la tradition, mais que serait une fête des pères sans ceci ? Dans mon petit papa me serre dans ses bras, je lui donne des bisous partout. Quand mon petit papa me serre dans ses bras, je lui... Mon cœur s'écrit « Bonne fête, papa chéri !» Voilà, c'était le compliment de Capucine à son papa. Tout de suite, vous retrouvez les enfants de cœur sur Vivacité avec Jean-Jacques Brunin. Merci beaucoup Julie Buron, prochain journal tout à l'heure à 11h et sans tarder, direction Marcouret pour la suite des Enfants de cœur. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Un soir, j'ai avalé du Viagra au lieu d'une aspirine. Du coup, j'ai eu envie de lui faire la chose, même que je lui ai dit « Allez, je te laisse choisir la position. » Ouais, et moi je lui ai dit « Super, on va faire la position de la moto. » Et c'est quoi la position de la moto ? Ben c'est quand elle me repousse, du coup je dors sur la béquille. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Extrait du feuilleton Les Barakis que nous retrouverons tout à l'heure en compagnie de Frédéric Oisège. Aujourd'hui, les Barakis sont à l'Euro 2016. Toujours depuis Marcouret, toute l'équipe des enfants de cœur. Christophe Bourdon, Dominique Watrin, Kem Dino, Cody et notre invité Frédéric Oisège. Et tout de suite, la question de Christophe. Ah bah ça va être une question de sport, hein. Donc Frédéric, si vous connaissez la réponse, silence, ça peut rejoindre un peu vos questions tout à l'heure, Jean-Jacques. Un match de 5e division tchéquie a eu lieu récemment, il opposait le SK Bastov au FC Fristak. Et bien ce match de 5e division pourrait bien rentrer dans l'histoire du foot. Pourquoi ? Ils ont battu un record. Les prolongations ? Ça a un peu un rapport. La longueur du match donc ? Non, enfin oui, mais c'est pas la bonne réponse. Il y a eu une panne de quelque chose ? Non. Des joueurs qui sont pas arrivés ? Non. Non, c'est une ça. Une interruption de match ? Non. C'est pas le score ? C'est un rapport, oui. Le record de... Les pénalties. Les nombres de tirs au but. Ah oui. Très bien, la correction. Oui. C'est tirs au but, pas pénalty. Exactement. Tirs au but ils ont eu une séance de 52 tirs au but. Le SK Bastov a dû tirer 26 pénalties pour battre le FC Fristak sur le score de 22-21. Oh. Et le record du monde en match professionnel, c'est un match de Coupe de Namibie. Là, ils ont fait 48 tirs au but. Oh. Vous imaginez la durée du match, quoi. 52 tirs au but. C'est le gâteau sur la cerise, comme dirait Franck Ribéry. Exactement. Oui. Non mais il a réellement dit, hein. Il a réellement dit. Donc bravo Dominique. Merci. Autre petite blague sur le foot, la différence qu'il y a entre une prostituée et le standard, Frédéric. Le nombre de passes. Oui, oui c'est ça. La prostituée peut faire 3 passes en suivant. Oui. La différence entre une ceinture, une cravate et un supporter d'Anderlecht. La ceinture serre le pantalon, la cravate serre le col de la chemise et le supporter des mauves ne sert à rien. La différence entre Lionel Messi et Lady Di. Messi, c'est accélération, poteau, but. Lady Di, accélération, grand pont, poteau. Il y a eu une très bonne blague sur Lady Di parce que récemment, il y a les inondations à Paris et quelqu'un a dit à 19 ans après, elle serait morte noyée. Oh là là là là là. Et Eh bien, mesdames, messieurs, tant attendu la chronique de Cody à propos du C4 et on peut l'encourager. Merci, Sylvain Forêt. Merci. Et voilà, petite de musique de merde pour démarrer. C'était... vous savez, je parlais de Van Buyten tout à l'heure. Alors, je lui ai fait une blague quand j'ai rencontré. Je lui ai dit, c'est normal. Vous savez qu'il a, il a pris des fonctions maintenant au Standard. Oui, bien sûr. Et je lui ai dit, c'est normal d'accueillir Van Buyten parce que, avec un nom pareil, c'était couru d'avance. Buyten, c'est comme le Standard en Playoff 1, finalement. Ça, c'est une blague pour les footeux. Il y en a. Et tu ne lui as pas rappelé que nous l'avions invité avec insistance à Ranly et qu'il n'est jamais venu. Si, mais il viendra. Il viendra. Oui, oui, bien sûr. Je vais donner un autre conseil. Le seul rouge qu'il faudrait engager pour que personne ne passe sur le terrain, Marc Aublet. C'est Marc Aublet. Ah, la Marc Aublet, évidemment. Évidemment. Hein, Christophe Bourdon, tu étais sur la balle. Alors, non, elle est rouge, oui. Hein, ouais. Ben oui. Je voulais vous demander, Jean-Jacques, comme c'est la dernière émission, vous êtes bien sûr, enfin, une des dernières, l'avant-dernière, vous êtes bien sûr que tous les chroniqueurs seront repris l'année prochaine ? Pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça veut dire quoi ? Ben que tout le monde reviendra. Ah ben oui, oui, oui. Ouf. Un chic, on peut dire bite alors. Non mais attendez, imaginez mon cher Jean-Jacques, la production vous demande de vous séparer de quelqu'un, ou la chaîne vous demande de vous séparer de quelqu'un. Qui auriez-vous choisi à ce moment-là ? Moi-même. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de devoir choisir. Qui virer entre James, Didier, Jérôme, Dominique, Jean-Michel Didier. C'est qui Didier ? C'est qui Didier ? Je sais pas, c'est un nom que j'avais envie de mettre. C'est un nom que j'avais envie de mettre, Didier. Ah, Didier Bourdon, peut-être. Non. Comment auriez-vous pu annoncer ça, Jean-Jacques ? Quelle phrase auriez-vous pu ? Putain, j'ai trop bu de bière, là. Auriez-vous pu, bu ? Bon, Jean-Jacques, moi, je pense qu'on a choisi qui vous pouvez virer. Ah non ! Parce que le préféré du public, c'est lui. Il a vraiment, bon. Il a vraiment marqué Didier. Par exemple, si moi je devais virer l'un d'entre nous, j'adapterais mon discours en fonction de la personnalité de chacun. Par exemple, pour James Dino, je dirais bah « Écoutez, mon petit Dino, vous êtes viré. Ne le prenez pas pour vous, ça fait partie d'un plan social. On commence par les plus moches. En plus, vous qui parlez de temps de chômage, vous allez enfin y accéder. » Voilà, je vais arrêter là. Pour Christophe, je dirais... alors Christophe, hein, c'est terminé, là, vos petits pantalons serrés, cette manière coquine de manger votre quinoa. Je ne tiens plus les techniciens de l'RTBF quand vous êtes dans les parages, partez avant que ça dérape. Donc voilà. Ils ne portent pas de pantalons serrés, mais c'est pour la blague. Ils ne mangent pas de quinoa non plus. Mais enfin Didier, écoute ce qu'on dit. En plus Didier, je vais te dire un truc, partir en pleine gloire, c'est le rêve de tout le monde. Bah, toi, tu seras déjà à la moitié du chemin. Pour virer Jérôme de Warzé. C'est déjà fait. Il est déjà viré, lui. Ouais, enfin, il s'est viré tout seul. Mais s'il devait être viré, c'est vrai qu'il ne sert à rien. On va arrêter Jérôme. Il est comme le H des enfants de cœur, il ne sert à rien. Le H des enfants de cœur. Ok, suivant. Est-ce qu'on ne virait pas ta chronique, finalement ? Pour virer Jean-Michel. Mon petit Jean-Michel, c'est pas vous le problème, c'est nous. On ne vous mérite pas. Restons amis, c'est mieux. En plus, ça vous donnera du temps libre. Hein. Votre ami du mardi deviendra votre ami du lundi, du mercredi, du jeudi, etc. De tous les jours. Ça, c'est marrant, ça. Sauf pour elle. Exactement. Dominique Watrin aussi, c'est difficile. Hein. Dominique, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que Laurence va vous remplacer. Il n'y a pas de Laurence non plus. Si, c'est la femme de Didier. Si. Et vous conviendrez que Laurence, elle est quand même sacrément bonne. Hein. Oui. Bon, d'accord, il y a moi aussi comme chroniqueur, mais soyons honnêtes, vous savez pertinemment bien que si quelqu'un doit sauter, ce ne sera pas moi. Je suis intouchable. J'ai l'immunité diplomatique, sauf si vous voulez perdre trois quarts des auditeurs. Parce que c'est vrai que dans cette émission, je n'ai commis qu'un seul délit, mon excès de génie. Vous le voyez encore aujourd'hui. Hein. Pour preuve, je vais vous lire quelques mails que je reçois après chaque émission. Hein. Tu m'inspires, tu es irremplaçable avec toi, on ne s'ennuie jamais. Simone, 52 ans de Wépion. Tu as un goût de paradis. Laurence, 29 ans de ciné. Et encore, t'as pas tout goûté. Le son de ta voix me caresse jusqu'en bas du dos. Josiane, 92 ans de Vielsalm. Encore une vie macrale qui a envie d'un petit noir. J'aimerais être un clavier de piano pour être perpétuellement caressé par tes petits doigts boudinés. Jacques, 47 ans de Liège. Mon chien t'adore, Jacqueline, 64 ans de Namur. Donc voilà, C'est en lisant ces messages d'amour que je soutiens que j'ai envie de vous remercier pour cette superbe année au sein des Enfants de Cœur, et j'attends déjà avec impatience la reprise pour la prochaine saison. Alors, avec James, avec Didier, avec Dominique, avec Jean-Michel. Pourquoi j'ai marqué Didier? Et surtout avec vous, le public. Oui, j'ai oublié Jérôme, mais il sera là. Peut-être. En tout cas, moi, je me suis bien amusé cette année. On a bien mérité les vacances. Alors, je vais y aller. À l'année prochaine. L'ami Cody, rtbf.be/audio pour le voir en image. Petite pause et puis Jean-Michel de Benoze, si vous voulez bien. Le dimanche matin, Vivacité consacre 1h30 à l'humour. De 9h à 10h30, ce sont les Enfants de cœur. Et si vos produits étaient disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7? Découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur cbcpopupwebshop.be. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Porte ouverte ce week-end, dimanche compris, dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Vivacité présente, du 10 juin au 10 juillet, La Louvière fait la fête à l'euro. Un mois de foot en direct, de concerts, de cinéma, d'apéro, rendez-vous sur la place communale pour vivre cet événement entièrement gratuit. Tout le programme sur www.lalouvière.be, en partenariat avec Hyundai et Circus. Vivacité présente. Envie de vivre un chouette week-end en famille ou entre amis? Ouvrez les portes du temps et voyagez de la préhistoire au Moyen-Âge, du village olympique au village italien. Découvrez le marché marchand, l'auto-show, chiner, déguster, flâner, bouger, danser, Flémal en fête, les 18 et 19 juin dès 11h. Info flémal.be. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Garage Davéfis, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Davéfis à Wanzui, E40 sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car, à Wem. Le rhum, donc, c'est du sucre, hein, qui s'écrase et qui laisse pourrir. Et puis, il y a ce sucre-là, il rajoute du sucre pour le petit punch. Et du sucre. Tu arrives en Martinique, tu es en bonne santé. 6 heures plus tard, tu es diabétique type Z directement. En Martinique, ils te vendent l'insuline dans les romeries. J'étais très étonné de voir ça aussi. Jusqu'à 10h30, les Enfants de cœur sont sur Vivacité. Game Dino à son retour de Martinique où il a joué là-bas. Oui, c'était superbe, très bon souvenir. Grâce à mon ami Cody d'ailleurs qui m'a. Mais le public a aimé. Ah oui, le public a adoré. C'est important. Mais bizarrement, je n'ai eu que des blancs. J'ai beaucoup de. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de. Ils sont quoi là-bas? Des kinés. Il y a beaucoup de kinés belges qui vont travailler là-bas. Ils sont payés un pont d'or. Ah oui. Et donc j'avais tous des fans à moi qui étaient là-bas. Connu, ah oui. Et moi, ça m'a fait un peu emmerder parce que je me suis dit, j'ai fait 9 heures de vol pour jouer devant des noirs. rentrez chez vous. Je joue devant des blancs devant toute l'année. Je veux des autres. Genre, donc, ouais. En même temps, dans tes sketchs aussi, il y a beaucoup de blancs. Hein. Je rappelle le livre de vous applaudissez. Notre invité paru à la Renaissance du Lire, le Fred on Tour, le best-of des chroniques de Frédéric Wassèche qui sont parus dans Foot Magazine. Il paraît que lors de vos nombreux déplacements pour commenter des matchs, vous avez détourné un bus en Roumanie. Oui. Mais il vous arrive plein de trucs. Non, en fait... c'était 20 ans plus tôt quand on était footballeur. Donc on est parti avec le FC Liège faire un tournoi, on était invité là-bas. C'était quelques mois après la chute de Ceaușescu. Et en arrivant là-bas, les organisateurs nous ont donné une enveloppe avec un peu d'argent. Mais si vous permettez, avant d'arriver au bus, on va aller chez Madame Pipi. parce que chaque soir il y avait une réception et donc chaque fois qu'on allait satisfaire un besoin, on donnait un petit billet. Et la dame, moi, elle m'a dit pas possible rendre. Je dis c'est rien, madame, gardez. Et puis à la quatrième fois, j'y suis allé, la femme, elle pleurait. Tout simplement, dans l'enveloppe qu'on nous avait donnée, il y avait l'équivalent de 3 ans de salaire d'un ouvrier. Donc chaque fois qu'on lui donnait un petit billet, c'était 6 mois de travail. Et il y avait 3 équipes invitées étrangères. Et le dernier jour, quand on est reparti, elle est venue avec ses 6 enfants et ils ont fait une fête pas possible. Quoi. Donc c'était ahurissant. Quoi. C'était vraiment... souvenir, ça. Oui. Ben, c'est gay parce qu'on a fait du bien un peu à quelqu'un. Et puis ce bus, alors après, évidemment, les footballeurs, vous les connaissez, on est à l'étranger, on avait l'idée d'aller faire un petit tour en ville. Et on nous donne à l'hôtel, voilà, il faut aller à cette adresse-là, une boîte super et tout ça. Et on marche dans les rues, pas une voiture, pas un taxi. Arrive un bus plein de passagers, on arrête le bus. Le mec ouvre, lui dit, tu sais nous amener là. Il nous dit, vous êtes fous, on a sorti notre enveloppe. Et le mec nous a amené à la discothèque avec le bus plein de voyageurs. Donc il a complètement dévié de son itinéraire et nous a amené dans le bazar. Quoi, voilà. Comme quoi, vous voyez. Mais donc en Roumanie, vous devez verser des laissez-pisser, quoi. Voilà, absolument. Ah, oui. Il est fort, hein. Voilà. Ah, il est très fort. Ah, il est très fort. Et toujours sur la balle. Jean-Michel pour suivre. Allô, quoi. Jean-Michel, avant toute chose, j'ai eu un petit mot d'un certain Danny Thion qui dit « Il a de la chance, notre Jean-Michel, son ami du mardi, il ne l'a qu'un jour par semaine. Moi, cher monsieur, mon épouse, c'est 7 jours sur 7, 52 semaines par an, et ce, depuis le 9 août 69, et pas moyen d'échapper. Allez sur Google, c'est chez moi et pas ailleurs, et sur son ordinateur, s'il le savait, Jean-Michel, c'est vraiment un vénard. » C'est comment ? Ah oui, c'est de Jean-Jacques Brunin. Je viens de dire, mon cher, de Daniel Thion, de FEM. Mais ça, c'est un pseudonyme. Non, c'est parce que moi, je me disais comme ça, hein, mais c'est tout bête, hein, dans le sport et tout. Moi, j'ai rien contre le sport, hein, tant que ça va lentement. Non, parce que moi, je joue de la pétanque, hein, moi, à Bénezé, dans ma cour. Mais comme j'ai perdu le cochonnet, je dessine un rond jaune. Voilà. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est ma pénitence. Oh, il m'en est encore arrivé une bonne. Hein. Parce que j'étais en train de prendre ma douche. C'était un après-midi, hein, parce que je prends la douche le matin, mais là, c'était l'après-midi parce que j'avais la pédicure qui venait. Je me dis, faut que je me fasse frais pour la femme. Hein. Et alors, à un moment, il y a l'eau froide qui tombe. Je me dis, c'est pas normal, même chez moi. Ça fait que me v'là descendre dans la cave. Mais alors, c'était une nouvelle chaudière, hein, parce que l'ancienne, elle consommait tellement. J'avais l'impression de chauffer tout Bénezé, moi, avec ça. Et alors, j'arrive, c'est une électronique et tout. Hein, et je regarde sur l'écran, c'est pas une blague. Il était écrit « Erreur 108 ». Je me dis, on m'a vendu une chaudière où il y a au minimum 108 erreurs qui sont encadrées. Ça ne peut tomber que sur moi, hein, ça. Je vois erreur 108. Et alors, il y avait un numéro de téléphone du chauffagiste, enfin, l'homme, quoi. Mais alors, je devais remonter parce que je n'ai pas de réseau dans la cave. Je n'ai pas d'antenne GSM à côté de la chaudière. Hein, donc, je remonte dans mon livège. Et j'appelle l'homme. Et je lui dis, dites, j'ai une erreur 108. Il me dit, je connais. Donc, j'étais tout nu, tout mouillé dans mon livège, et l'homme, il me dit qu'il connaît mon erreur 108. J'étais bien, moi, là. Et il me dit, c'est tout simple, et qu'il me dit, vous descendez, vous ouvrez les deux vannes bleues en même temps, ça va aller tout seul. Fais confiance à l'homme, il est payé pour ça. Je redescends, je cherche les vannes bleues, je les trouve, les vannes bleues. Il y en avait 3. Alors je me dis, je ne prends pas d'initiative parce que je vais me planter. Donc je remonte. Encore bien qu'il n'y a pas de caméra chez moi. Hein. Et ta grande aiguille est à quelle heure? Parce que... Il n'y a plus de grande. Il est mamé, hein, pour la dernière. On voit bien qu'il va être pensionné au mois d'août. Hein. Et alors, je remonte, hein, qu'il n'y avait pas de caméra. Sinon, des fois, je me fais peur moi-même. Hein. Et je remonte et je dis à l'homme, mais il y a 3 vannes bleues. Et là, il me dit, oui, mais il faut faire les 2 du milieu. Le sort s'acharne. Hein. Vous savez, quand j'ai choisi un chauffagiste tout près de Bénezé, il y avait 5 noms. J'ai choisi celui-là.

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur l'RTBF pour entamer cet Euro 2016. Dans quelques instants, nos diables vont affronter la redoutable équipe d'Italie. Toto, maman, ça y est, j'ai trouvé l'entrée de la cabine du commentateur, venez. Ah, super, je m'assieds. Hé gros, fais-moi ta place sur ton assiège, toi. Excusez-moi, mais je peux savoir ce que vous faites là? Eh ben, ça se voit, non? On vient regarder le match avec toi. Mais ça va pas, non? Ben quoi? On a vu le prix des places et on s'est dit que toi, tu payes rien dans ta cabine. Du coup, on vient ici voir le match gratos. Pas bête, hein? Mais c'est n'importe quoi ici, c'est pour les commentaires sportifs. Vous avez déjà commenté un match de foot, vous? Non. Nous, on n'y connaît rien du tout en foot. Par contre, on s'y connaît vachement bien en rien payé, tu vois? Et l'euro, vous connaissez l'euro? Bah oui, ma femme en fait un tous les jours après les repas. Bon allez, maintenant on se tait, vous écoutez, le match commence. Moi je dois travailler. Hein. Oh l'autre, il est payé pour dire ce qu'il pense d'un match. C'est comme si moi on me payait pour faire la chose à Kevin Josian. Ouais, bah vu ce que tu me l'as fait la chose, ça fait longtemps que t'as pas été augmenté. Bon maintenant silence. Hein. Et nos diables s'avancent sur le terrain. On peut le dire, ils n'ont pas hérité de la meilleure poule. Hein. Ah, merde, ah, ils vont pas avoir de bons œufs alors. Mais c'est pas vrai, une poule, c'est pas l'animal, abruti, va. Ben oui, il a raison, hein, Kevin Bryan. Une poule, c'est pas l'animal. Une poule, c'est la femme au joueur. Ah, ok. Donc toi, tonton, si tu veux au foot, t'aurais une poule. Ouais, sauf que comme je joue pas, on m'a refilé une dinde. Bon, allez, maintenant, s'il vous plaît, taisez-vous, silence. Et voici nos défenseurs qui se mettent en place. Vous pouvez voir l'image, Alderweireld, Vertonghen et Simon. Tchou, ils ont mis du ciment dans leurs défenseurs. Mais ils vont courir moins vite, du coup. Silence, s'il vous plaît, silence. Mais oui, tais-toi, grosse bièce, t'as rien compris. S'ils mettent du ciment, c'est pour avoir une défense en béton, tu comprends? Ah bon, moi je croyais qu'une défense, c'était en ivoire. Ben non, couillon. Non. C'est l'équipe de toute la Belgique, hein. C'est pas l'équipe d'ivoire. Mais non. C'est pas possible, hein. Franchement, c'est pas possible. Hein. Et voici maintenant le gardien Courtois qui s'installe dans les buts. Ah ben ça c'est bien, un gardien qui reste Courtois, ça fait plaisir, c'est rare. Mais s'il vous plaît, taisez-vous. Mais ouais, maman, tu comprends vraiment rien. Le commentateur, il dit pas que le gardien, il est Courtois. Il dit qu'il va se dépêcher d'arrêter le ballon. Il lui dit, allez, cours, toi. Cours. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Et c'est qui le mec qui est sur le banc, là-bas? Ben, c'est Gilet. Eh, oh, je t'ai pas demandé comment il est habillé, hein, Baraki. Mais c'est Gilet. C'est Gilet, Jean-François Gilet, le gardien réserve. Ah. Ah bon? Ils vont jouer dans une réserve? Jeudi, j'espère que ce sera pas Paradise. Mais c'est pas possible, je peux pas le croire. Hein. J'ai jamais vu des gens aussi cons. Et pourtant, je suis dans le milieu de foot depuis des années. Hein. Mais votre épouse est sur le terrain? Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, c'est moi qui lui ai dit d'aller. Comme elle est habillée en noir et blanc, j'espère qu'ils vont la confondre avec le ballon. Nous, on dit, tu, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Et laisse ma mère tranquille. Hein. Si les joueurs la prennent pour un ballon, elle sera heureuse. Hein. Ça fait des années qu'elle rêve d'avoir une touche. Mais enfin, c'est pas possible. Elle vient de se jeter sur Fellaini. Il est par terre. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Kevin Josian, elle adore bouffer du marouane. Hé, Fellaini m'aime bien. Il vient de me dire, là, j'ai vraiment besoin de compagnie. J'en reviens pas. Eh bien, franchement, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal. Hein. On est bas, on est ras. On est qui? On est Baraki. Merci à toute l'équipe. Bravo à Christian Bourdon pour le texte de ce feuilleton. Les Baraki. Excellent euro, mon cher Frédéric. Merci beaucoup. Non seulement le commentateur en télévision, mais également on pourra vous lire dans le quotidien le soir. Absolument. Vous allez chroniquer sur les faits et gestes des joueurs de l'euro en général. De tous, de toutes les équipes de tous les pays. Très bien, donc cette chronique paraîtra... Tous les samedis, dans le soir. Merci en tous les cas d'être merci venus, de vous êtes déplacés ici à Marcouret. L'équipe des Enfants de cœur vous salue bien bas. Il y avait ce matin Cody. Merci à tous. Bon dimanche. Jem Dino. Bonnes vacances. Dominique Watrin. Excellent dimanche. Christophe Bourdon. Bon dimanche à tous. Et aux commandes de l'émission, il y avait Jean-Jacques Bruno. Merci beaucoup. Dimanche prochain, nous recevrons Juan d'Outremont. Toujours depuis cette merveilleuse église de Marcouret dans quelques instants. Thomas Lorides pour ces années-là. Passez un bon dimanche. On ne